c'est le moment de retourner à notre émission matinale ici à C'est fou. Assemblage requis, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 6 avril 2015. Je suis tout mêlé, je sais pas pour toi, ton horaire, si par un congé de Pâques, t'as été tout déboussolé dans tes journées. Mais congé, ça donne jamais avec le travail, donc j'ai travaillé vendredi, dimanche et lundi. Donc je me sens comme jeudi ou je sais pas quel jour. Là. Ah, toi t'es mêlé pour vrai. C'est un peu bizarre. Mais t'es facile à mêler de toute façon, imagine. Ça, là, c'est mêlant pour vrai, là, pour des gens... À leur affaire. D'ailleurs, jeudi passé, j'avais dit on se retrouve lundi. Ben, finalement, c'est pas retrouvé lundi. Hein. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand tu n'es pas à ton affaire sur les congés religieux. D'habitude, on fait ça lundi pour apprendre parce qu'on veut commencer la fenêtre. La fenêtre? Veux-tu même dire où est-ce que j'ai pris ça? Probablement parce que t'as travaillé sur Windows, exactement. C'est probablement la faute à Windows. Tout est la faute à Windows. Purity Ring, voici leur nouvel extrait Push-Pull. Push-Pull? Push-Pull, tire, pousse-tire, tourne. Pousse-tire-tourne, je pense qu'il faut. Pousse-tire-tourne. Ah, j'aurais fait pousse-tourne-tire. Pousse-tourne-tire, je pense que c'est ça la solution. Sébastien Evgartin, un réfugié du mardi, un réfugié politique, je pense. Politique de l'AGE, évidemment. Je sais pas s'il y a ça, des réfugiés politiques de l'AGE. Tu sais, quand tu démissionnes, faut-tu qu'ils te mettent dans un local spécial pour ça? T'es clairement mis en quarantaine. Bonjour, Sébastien Evgartin. Bonjour. Premièrement, je tenais à dire que c'est pas un camp de concentration qu'on a ou quoi que ce soit. Boycott, tu le fais un à côté de l'autre. La grève, tu le fais ensemble. Puis boycott, c'est sexiste. C'est person cut. T'as tellement raison. Person cut. Je me mets pas entre vous deux. Non. Dans le tir, la ligne de tir. C'est ça. D'érable. Sur neige. Tir d'érable, sur neige. Oh, ouais. La ligne de tir d'érable sur neige. Cabane à sucre. C'est une bonne idée, ça? Oui. Reste aussi qu'on est à la radio, puis je peux pas mimer les enfants. Je dois essayer de vous ben, le... Je pourrais. Ça donnerait mais ta caméra 4 est brisée. Non, hein, c'est... On a juste une, puis c'est la numéro 3. Bon, voilà. Mais, au pire, on a le micro magique. C'est ça, on va super bien t'entendre. Imagine que tu cours comme si tu avais une ficelle au-dessus de la tête. Puis que ça, tu sais, ça te permet ça peut de garder être un la... ficello. Un ficello aussi. Là, tu regardes en haut, puis là, tu essaies de courir pour aller chercher parce que t'as faim. Moi, c'est un ficello, c'est clair. C'est une carotte en avant. Les problématiques finissent par « it », ça veut dire inflammation. Fait que périostite, c'est une inflammation au niveau du périoste. Un banane à split. C'est une inflammation de la banane? Ah, c'est bon! À ce moment-là, si tu cours toujours sur la pointe des pieds, à ce moment-là, c'est une surutilisation des mollets. Ça va faire une mollite. Une mollite! C'est bon! C'est pas une crème glacée molle, ça, l'inflammation de la crème glacée molle. Humans! Et la pièce Follow sur l'album Noontide. Qui est Noontide? C'est comme blanchir un peu l'entre... Ouais. On arrête ça là. Parce que si t'ajoutes de quoi, ça pourrait tout défaire ce qu'on a fait là. C'était parfaitement... Ça pourrait en mettre trop. C'est ça. Comme... C'est comme quand tu y vas trop vite, quand tu vas le chalet trop loin. Mm. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? Là, ça, c'était clairement non, t'imagines trop. Un bruit de macaroni que tu mélanges. Ah. Ça me dérange pour les gens que ça dérange. ça vient me chercher, ça vient... T'es altruiste. Blague. C'est vrai, c'est tellement bête, puis... T'as l'air d'une truie, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux me dire? Non, OK. On disait? Ah non, moi je vous laissais aller sur le tas d'une truie, j'avais rien à dire. Le tas d'une truie! Le nouveau bar au centre-ville, le tas d'une truie. Ils servent juste des fish and chips. Oh! C'est mon nouveau restaurant préféré. Alors c'est une série qui se veut très noire, alors qui se veut dans un univers vraiment d'inspecteur. Tu parles vraiment. Pas juste de l'acteur principal? Non, je voulais pas aller là. Ben ouais, mais là, fallait, à un moment donné, il fallait que ça se dise. Oui, il est noir. mais c'est non, je parle pas de l'acteur principal, c'est vraiment une série policière. Ah, très obscur. Je jugeais pendant très quelques noir. Oui, c'est ça. Bonjour à vous qui synthétisez votre cadran à 7h30 exactement pour nous écouter et qui êtes encore là. Ceux qui étaient là avant ne sont plus là maintenant et non. On s'en excuse, mais on doit l'expliquer parce que moi je sais qu'en tant qu'auditeur d'une station de radio qui griche pendant je sais pas combien de temps, je voudrais qu'on me dise pourquoi. En tout cas, c'est pas votre auto. C'est pas votre auto et nous sommes de retour en direct, donc maintenant ça sonne bien. Avant ça, on est au courant du problème. Ça sonne bien, c'est relatif, là, c'est quand même nous autres. Là. Justine Renaud et Justine Pertine qui, elle, nous prend un sujet scientifique, un sujet de la nature, barbecue des fois, ranch, dill pickle, crème sur oignon. Ah, crème sur oignon, là, tu m'atteins. Donc, à 8h30, on va parler avec elle justement, de ça. Justement, on est le matin. C'est vrai, ça. Tu m'atteins. Oh, wow. Elle était songée un matin. Steph est tellement obsédée par le bacon qu'elle montre des photos de son bacon quand il était bébé. C'est un petit cochon. C'est un bébé cochon. Il est comme tout acheté, là, avec ses nids, comme tout ce petit duvet, là, pis t'as le goût de faire plus. Tout acheté, comme dans tout acheté des produits sur Internet. Dans ça existe, tellement. Mais ça ne devrait pas, on l'a. Twitter, qui est 140 caractères, c'est vraiment une autre approche. Les mots peuvent être aussi bons, aussi recherchés. Mais l'approche va être différente. Ça, t'as pas besoin de t'en servir. Regarde Miley Cyrus, ça parle juste avec des smileys. Sa face est un smiley. Smiley Cyrus, on l'appelle. Puis, ça disait que pour ces jeunes-là... Génie en liberté avec Samuel et sa co-animatrice Stéphanie, qui est encore une fois pas toi. Non. Génie en liberté, gel, hein? Génie en liberté, gel. Je les appelle comme ça dorénavant. Oui, gel. Oh, OK, tu viens de laisser ça là? Ça vient juste. Ah. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 6 avril 2015, toujours avec une semaine de délai. Moi, j'ai bien aimé Smiley Cyrus, là, même si personne dans l'équipe a l'air d'avoir aimé ça. J'avais des visages, des regards vides devant moi. Peut-être parce que c'est trop facile. Je sais pas. Des fois, j'en fais des faciles et c'est le fun. Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30, avec Stéphanie Paradis, moi-même Mathieu Plante et un paquet de chroniqueurs les plus insolites.